Yes, salut, c'est I Hate Music, c'est presque tous les mercredis de 20h à 21h. Et voilà, ça faisait 2 semaines sans émission, et non, 1 semaine, je sais plus. Enfin voilà, de retour, cette semaine, je suis toute seule, et la semaine prochaine, la semaine d'après, nous aurons le grand retour de Guillaume pour 2 émissions. Yes. On commence tout d'abord le premier tiers, c'est avec 2 groupes de Wellington en Nouvelle-Zélande. Le premier, c'est Unsanitary Napkin. On va s'écouter 2 titres qui sont tirés de Orgasmic Capitalism, qui sont sortis cette année sur Always Never Fun Records, ainsi que d'autres labels. 2 titres, State Psychopathy et Goodnight White Pride. Ensuite, on écoutera les excellents Gravel Pit avec Death Bag, ça c'est le titre. A priori, c'est des titres qui n'ont pas encore été sortis, ni en EP, ni en LP, ni en CD, ni en rien du tout. Donc voilà, on va dire que c'est sorti cette année en autoprod. Et le groupe nous vient aussi de Wellington, en Nouvelle-Zélande. On continuera du côté de Vancouver, au Canada, avec Glad Rags, qui ont aussi mis 2 titres sur Bandcamp. Ce n'est pas encore sorti, mais on va se les écouter. Ils sont vachement bien. Un groupe de meufs, Population 101 et Pray For Me. Bon, on commence d'abord avec Unsanitary Napkin, State Psychopathy, Goodnight White Pride. Let's go. In a few words, what do you think of Materia Tulla? Disgraceful. That's just absolutely one word. Absolutely disgraceful. That's 2, yeah. You can have a few more words. She committed a crime. Bullshit. Public execution. Yes, yes, yes, c'était Cass Rug. On met un petit peu de musique de fond. Voilà, ça faisait longtemps. Et voilà, c'est Tiana Riwen du blues qui nous vient du Mali, de chez les Touaregs. Voilà. Alors, oui, Glad Rags, c'est hyper cool, c'est ce qu'on vient de s'écouter juste avant, groupe de Vancouver, groupe de meufs hyper bien. Juste avant, on s'est écouté deux groupes de Wellington en Nouvelle-Zélande, Gravel Pete avec Death Bag, et encore avant, les excellents Anarchopunk, Unsanitary Napkin avec State Psychopathy et Goodnight White Pride. On continue avec un excellent groupe, mais cette fois-ci qui nous vient du sud du pays de Galles. Toujours anarcho-punk, les Internal Autonomy qui ont officié dans les années 80 et qui se formaient même très exactement en 86. Groupe hyper bien, ils continuent toujours depuis 2013. Certains membres ont fondé le groupe qui s'appelle Ferroxide. Voilà, on va s'écouter deux titres qui sont tirés de... Alors moi c'est marqué la cinquième démo seulement quand je regarde les titres. Des albums, il n'y a pas de cinquième démo, par contre il y a une quatrième démo. Donc voilà, vous vous démerdez avec ça. En tout cas, Internal Autonomy, c'est hyper bien. On va s'écouter le titre qui s'appelle le numéro 2 et le titre qui s'appelle le numéro 4. Ensuite, on continuera avec un groupe qui nous vient de Seattle et qui sera plutôt en rapport avec les annonces concerts qui viendront, puisqu'ils joueront demain à la Frat, dernier concert de la Frat, puisque ça a bientôt fermé. C'est le groupe Regional Justice Center, groupe Hardcore Power Violence qui joueront à Camden. On en reparle aux annonces concert, voilà, voilà. Regional Justice Center, ils nous ont sorti un World of Inconvenience cette année sur l'excellent label Adagio 830. Voilà, voilà, on va s'écouter de titres Indecency et Control. On commence tout d'abord avec Internal Autonomy, number 2 et number 4. Yeah. force, le power, la violence. C'était Regional Justice Center. On s'est écouté deux titres, Indecency et Control. Juste avant, on s'est écouté Internal Autonomy avec deux titres, Number 2, Number 4. Et voilà, et justement, c'est l'heure des annonces concerts. Et les annonces concerts où il y aura justement demain Regional Justice Center. Tu veux du power, tu veux de la violence, tu veux du hardcore, viens prendre une petite fessée à la frate demain à 18h. Voilà, c'est prix libre, je pense que c'est à partir de 20h, avec Hamdon pour la fessée aussi. Voilà. On demandera à Alexis, je suis sûre qu'il sera très content. Alexis, si tu nous écoutes, hein, salut. Voilà, en tout cas, ouais, deux groupes hyper cool. Je pense que c'est donc le dernier concert à la frate avant que ça ferme. Oui, une triste nouvelle, mais bon. Sera reparti pour de nouvelles aventures pour les protagonistes. On continue ensuite au 19 octobre à La Dérive, le célèbre local autogéré de Dalby. Il y aura deux personnes très créatives et très talentueuses, Alice Harry Arm et A.M. Love Poems. Voilà, donc c'est Alice, une très sympathique guitariste qui joue vachement bien avec Anaïs qui fera de la poésie en noir et blanc. Voilà, je crois que c'est prélibre, je n'ai pas vu, mais bref, voilà, c'est à La Dérive, c'est à 19h ou à 20h, je ne sais plus, mais bon, vu que c'est le vendredi, tu viens pour l'heure de l'apéro, c'est parfait, il y a de la bonne bière locale et ainsi que des boissons sans alcool. Voilà, un lieu sympathique et des amis pour faire la fête. Voilà, ensuite, le lendemain, il y a Girls to the Front qui organise une nouvelle date. Et ouais, elles ont encore frappé et avec le grand retour de Maribel, excellent groupe qu'on avait déjà passé et qu'on ne présente plus, ainsi que Beatport qui ont un abonnement à l'émission puisqu'on en a déjà passé plein de fois aussi, donc on n'en repassera pas. En tout cas, si vous voulez vous reprendre une petite tarte, vous pouvez aller samedi à 20h au Café du Cinéma. C'est aussi prix libre et le Café du Céma, c'est rue des Carmélites, c'est toujours à Nantes. Voilà, voilà. Ensuite, pour des annonces concerts plutôt futures, mais c'est pas tout de suite, tout de suite. Il y aura, je crois que c'est le 27 octobre, à l'Étincelle à Angers, une date, ma foi, qui fait événement avec les Hellbastards, Insurgency, Mohawk et Last Warn qui joueront. Donc, quatre groupes, dont deux super. Super hero, blablabla. Voilà, on n'en fait pas plus de pub parce que voilà, je pense que la plupart des gens y connaissent. Donc, allez soutenir l'Étincelle à Angers ainsi que les nouveaux groupes, ce sera vachement bien et on aura l'occasion d'en reparler puisque c'est une date qui n'arrivera pas tout de suite. Tout de suite, voilà. Donc, c'est la fin des annonces concerts. Oui, oui. Allez, hop, 20h31, c'est temps. Bam, faut que j'arrête d'être pite comme ça. Voilà. On m'a parlé aussi dans l'oreillette de nos auditeurs super fans veut appeler pour parler de son corps comme dans Lovin' Fun. Eh bien, oui, c'est possible. Je peux même appeler si tu veux parler. Voilà, hein, petite casse dédiée. Au passage, tu me dois 100 balles. Là, voilà, pari gagné. Voilà, donc... Bon, bah écoutez, on peut en faire ça au printemps, parler des petites abeilles aussi, ce sera sympa, des fleurs. Voilà, bon, bref, n'importe quoi. Les gars, revenez, c'est n'importe quoi cette émission. Ils m'ont laissé le studio et c'est vraiment le bordel. Bon, bref, on continue. On continue la playlist musicale avec trois groupes de hardcore d'Amérique latine et dont des groupes de meufs parce que, ouais, en Amérique latine, c'est la classe. Il y a plein de groupes, des All Girls Band de hardcore et ça, ça tue, c'est vraiment la claque. Voilà, moi, j'aimerais bien qu'en France, il y ait des All Girls Band de hardcore et j'encourage les gens à faire ça, ce serait vraiment cool. On va commencer d'abord avec un groupe du Pérou, de Lima très exactement, avec Tomar Control, donc groupe de meufs qui nous ont sorti un Lo que llevamos dentro en 2015, hyper cool. Voilà, bah, c'est du house, hein, que dire de plus, c'est vraiment bien. On va s'écouter deux titres, Empatia et Consciente. Ensuite, on continuera avec Sangre Joven, un groupe que je ne connaissais pas avant qu'on m'offre le vinyle. Merci Fred, un petit coucou au passage. Donc voilà, c'est pareil, c'est du youth, c'est cool, de paroles positives. C'était sorti en 2004 sur HCH Records, le groupe nous vient du Guatemala, ou nous venait parce que je pense qu'ils sont plus actifs. Et le LP s'appelait El Tiempo Es Ahora. On va s'écouter deux titres, Cambia Tu Attitude et Juventud Positiva. Ensuite, on écoutera le groupe Trust, excellent groupe qui était sorti par Emancipunk Records, excellent label féminin et féministe qui a sorti des chiés de groupes de meufs puisque le label était dédicacé au son féminin. Donc voilà. Donc Trust, pareil, excellent groupe de hardcore de meufs qui avait sorti un EP qui s'appelait Hardcore Girls en 2006. On va s'écouter trois titres rapides. Recuerdos, Egoismo et Espada con Espada. On commence tout d'abord avec Tomar Control, Empatia, Consciente. Vamos. Somos amigos, no eras tú para pelear tu arrogancia qui sous violencia et nous se fait la manière à l'ouvrage. Ça vient d'un détour. Porte-toi bien. Somos la juventud positiva. Mira, si no, dime de todo, pues tú sabes que valora la vida. Cuerpo sano, mente tan firme, X sin mano, siempre marcado. Callarte, tus vicios pronto acabarán. ¡Cuánto positivo! S'écouter les excellentes Trust de d'Argentine. Juste avant, on s'écoutait Sangre Joven avec Cambia tu attitude et Juventud positiva. Et encore avant, on s'écoutait Tomar Control avec Empatia et Consciente. Voilà, voilà, petite petit tiercé d'Amérique latine. On continue avec d'autres très bons groupes. On commence d'abord avec le groupe Actives, l'excellent groupe écossais. On en a déjà passé, on en repasse parce que c'est quand même vachement bien. Donc ouais, groupe anarcho-punk écossais des années 80. On avait déjà écouté le titre Riot du Riot EP qui était sorti en 83 sur Quiet Records. On va s'écouter cette fois-ci l'excellent titre Out of Control. On continue ensuite, toujours dans l'anarcho-punk, du côté de New York avec l'excellent groupe Apple avec des points entre les lettres. Excellent groupe chant féminin qui a officié jusque dans les années 2000, date de sortie du dernier vinyle. On va s'écouter le LP qui était sorti en 88, Plutocracy Equals Tyranny and Exploitation, qui est sorti en 1988 sur Vinyls Communication. On va s'écouter le titre Peace is Possible. Et ensuite, on écoutera les cultissimes Déserteurs, groupe qu'on ne présente plus de Pologne, qui a sorti un premier LP qui s'appelle, attention, Jeszcze Żywe. Człowiek, voilà, c'est très dur. Il est sorti en 1984 sur Tank Records, voilà. Le titre qu'on va s'écouter s'appelle Niewolnik, du coup ça veut dire un esclave. Voilà, on commence d'abord donc avec The Active, Out of Control, let's go. I C'était Deserter avec Nivolnik. Juste avant, s'écouter Apple avec Peace is Possible. Et juste avant, s'écouter Actives avec Out of Control. Voilà, c'est la dernière ligne droite de l'émission. On se quittera sur deux titres, mais avant, je vais rappeler vite fait les concerts prochains. Donc, demain, il y aura Regional Justice Center et Hamdan, du hardcore et du power violence. C'est à la Frat, c'est à partir de 20h. Et ses prix libres. Ensuite, vendredi, il y aura Alice Harry Arm et AM Love Poems, de la poésie en noir et blanc accompagnée à la guitare. C'est à la Dérive, pareil, 19-20h, prix libre. Il y aura ensuite le samedi Maribel et Beatpart du Grunge Punk Grunge. C'est à partir de 20h au Café du Cinéma et c'est aussi prix libre. Voilà, allez bien faire la fête et on se quitte sur deux titres. Et bien on continue avec des artistes polonais et polonaises avec l'excellent groupe Past, dont on avait déjà parlé et dont on avait déjà passé des morceaux. Ils reviennent avec un nouveau LP qui est sorti tout frais, juste au mois d'octobre. Là. Il s'appelle Sama LP. C'est sorti sur Contrast Records. Le groupe nous vient de Varsovie. Et on va s'écouter un titre qui s'appelle Echo Bow. Ensuite, on continuera avec Fata Morgana. L'excellent... Enfin, la cassette... qui est faite par l'excellente Patry, qui joue dans Belgrado, etc. Voilà, c'est un projet en duo, cette fois-ci plutôt électro. Voilà, ça ressemble un peu à Superboy et Romantic Girls. Peut-être un peu plus électro, peut-être un petit peu plus barré, avec des titres un peu dans l'espace. Voilà, intersidéral. La cassette est sortie cette année, c'est en autoprod, et les chers artistes nous viennent de Barcelone. Voilà, on se quitte là-dessus. On commence tout d'abord avec Past, Echo Bow. Ciao, ciao. We'll be right back. tak, żebyś się nie bała. Thank you.